I'm pain, pain, pain. It's alive! Pour cette première édition d'avril, je ne vous propose rien de moins que rien du tout et à la fois tout et rien. Mais en plus de tout ça, c'est-à-dire rien, je n'aurai pas à vous présenter une pièce des nouveaux albums de formation Heretic et Amon Amarth, formation qui n'existe pas. Par la suite, je ne continuerai pas avec une programmation dite anormale, qui ne comporte pas certains classiques du thrash et du death metal, qui tous deux sont dus des genres musicaux inventés pour les besoins de la cause. Il n'y aura pas de chronique cinéma et musicale, et je ne vous parlerai aussi de mes récentes écoutes. Et pour couronner le tout, je ne ferai aucune intervention. Ces interventions comporteront des propos intelligents, mais peu intelligibles, qui seront susceptibles de vous informer à propos de rien. Bref, une émission qui sera au plus bas niveau de l'excellence. Ce n'est pas réanimation. Et voici réanimation. Et c'est bien mieux d'avoir un médecin, quelquefois ou jamais, surtout lorsqu'il ne vous dit rien, ou il vous annonce que votre santé et forme physique sont excellentes, mais qu'avant de vous annoncer ses résultats, il vous avait dit que rien n'allait, selon les résultats très positifs de vos examens qui n'avaient été pitoyablement échoués. Priez pour ne pas y survivre, ou l'inverse. Merveilleux enfoiré. Non pas de mes deux, mais bien de ces deux. Les deux avec qui? J'en ai aucune idée. But maybe fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause Pendragon said so or not. Stop and go. Complete must don't. Let me just see. legendary even in hell. Who could never be named? This world is ours, let me explain. This youth is where I need to liar. The demon is a liar. Vous êtes assez fou. C'est fou. 89. À Trois-Rivières, c'est le 89. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre. Matière noire. Tous les dimanches, 19h. C'est un rendez-vous. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, WoWat Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1 Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de l'animation en ce 5 avril de l'heure de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. C'est la première émission d'avril et je crois que l'adage est plus vrai que jamais, ne te découvre pas d'un fil parce qu'il fait frette en... Anyway, on vient d'entendre en ouverture d'émission le premier bloc qui était constitué de ce qui suit avant la pause publicitaire, la formation américaine Hacker Run et la pièce Satan Holds Dominion qui est tirée de leur dernier album paru en 2014, soit Called Death Access, qui était leur 9e album studio, paru sur étiquette Listenable Records. Nous avions juste avant une autre formation américaine, soit Cannibal Corpse. Sont-ils à présenter encore? J'en doute fort. Et la pièce Make Them Suffer, qui est tirée de Kill, le 10e album studio paru en 2006 sur Metal Blade, une formation des Pays-Bas que j'aime beaucoup, Asphyx. Asphyx et la pièce Heisenberg Mauser, qui est tirée de Death the Brutal Way, qui est le premier et le seul encore unique album disponible de cette formation, mais je crois, là, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Non, je raconte n'importe quoi. Je veux dire que c'est le dernier en liste à être paru, soit Death the Brutal Way, qui est paru en 2009, comme je le disais, sur Century Media. Et nous avons ouvert avec la formation suédoise et la pièce d'ouverture de leur plus récente parution, daté de 2015, de la fin de 2015, bien sûr, je parle de Grave, et la pièce, en fait, précédée par l'introduction, qui était simplement une véritable, je dirais, introduction. C'est la pièce, finalement, Mass Grave Mass, comme je le disais, pièce d'ouverture de ce dernier album, Out of Respect for the Dead, qui était le 11e de la formation Grave, sous étiquette Century Media. Ce soir, j'ai deux nouveautés. Ben, oui, d'une certaine façon, deux nouveautés qu'on va clairer assez rapidement. C'est preuve que j'aime beaucoup ça. Non, c'est une blague. J'aime ça moyennement. Un bloc aussi qui est plus... un bloc qui va être assez long, de plus de 25 minutes, qui va être consacré au Doom Stoner, voire Dark Doom Metal. Bref, ça risque d'être intéressant. Mais j'ai aussi une chronique cinéma, une chronique musicale, bien entendu. Mais une chronique musicale, voyons, si je raconte une chronique cinéma, vais-je le dire, qui est relativement pitoyable. Ben, pour faire pratiquement peu de changements depuis les dernières semaines, parce que c'est pas tout génial, c'est tout génial ce que j'ai pu écouter. Qu'il en soit ainsi. Je vous propose la première parution nouveauté, en fait, présentation, et je déparle d'une façon phénoménale ce soir. La première, en plus de déparler, je perds la mémoire, ça va vraiment bien. Présentation. Une pièce tirée de cet album qui porte le titre de The Long Existentially. Mille, pardon. J'ai tous les talents ce soir, décidément. Formation qui vient de Pologne et qui porte le nom de Heretic, qui en est à son deuxième album studio complet. Comme je viens de le nommer, The Non-Existential Day, qui est paru sous étiquette Via Nocturna, que je ne connais pas. Je ne connaissais pas non plus la formation Heretic, QE. Je vous fais écouter une pièce qui est selon moi la meilleure de l'album, et je vous en faire une idée, et je vous reviens avec mon appréciation après cette pièce de Raven. Vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Go! Sky! Night! Crush Venons d'entendre la formation polonaise Heretic, une pièce tirée de leur deuxième album qui est paru le 26 mars dernier, soit The Non-Existential DE, paru sous étiquette via Noctura. La pièce étant The Raven, qui, comme je l'ai dit, c'est la seule pièce que je vais présenter de cet album, parce que c'est la seule qui a suscité minimalement mon intérêt. Je trouve, généralement parlant, que je connais pas l'album précédent qui porte le nom de Ore Veritatis, mais cet album de Non-Existentia, je lui trouve beaucoup de défauts, entre autres celui, et principalement celui de sonner très vide. On a l'impression qu'on peut passer énormément de gros meubles entre chacune des pistes instrumentales enregistrées. C'est une figure de style, bien entendu. Mais non, je trouve que ça sonne vraiment, ça sonne pas très bien. Musicalement parlant, c'est assez ordinaire, selon moi. Il y a rien qui réinvente la roue là, loin de là. Même pas la roue sur le flat, là. C'est un quintet qui donne dans un trash black death metal. Peut-être pourrions-nous lui associer d'autres choses, comme entre autres, moche. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah! Ben, t'es d'accord avec moi? Bon, ben, c'est une bonne chose, ça, Horace, parce que c'est rare que t'es d'accord avec moi. Ben, lui non plus, il aime pas ça. Fait que finalement, heureusement que j'ai pris la décision il y a pratiquement, je dirais près d'une année, de ne plus donner de cote numérique à mes écoutes, parce que celui-là, ben, il aurait probablement pas eu la note de passage, je suis plus que certain. Ben, je peux pas vous dire que j'espère que ça vous a plu, là, parce que c'est pas une phrase que je devrais employer ici, c'est un rock classique. Mais je l'espère pas de toute manière. Donc, place à la deuxième présentation de la soirée. Présentation qui, elle, est beaucoup plus intéressante, je dois dire. Un album qui est paru le 25 mars dernier, les formations suédoises Amon Amarth et leur dixième album. Et là, pardonnez-moi, là, mon suédois est très rouillé. Est-ce que l'on doit prononcer Jams Vikings ou Jams Vikings? J'en ai aucune idée. De toute façon, ça s'écrit de la même façon. Il est paru, comme je disais, le 25 mars dernier sous étiquette Metal Blade. C'est un album initialement le genre Viking Metal, le Black Viking Metal, ce n'est pas le style metal qui m'attire principalement le premier et le plus. Mais je reconnais volontiers à la formation Amon Amarth que généralement, parce que j'ai quand même un certain nombre d'albums de eux dans mon petit laboratoire, que c'est une formation qui fait ce genre de métal, le Viking, avec qualité. De qualité, devrais-je dire, mais avec souci du détail et je dirais un bon métal généralement. Je suis pas porté à écouter ça, comme je le disais, très régulièrement, mais à l'occasion, je trouve ça très correct de les entendre. Et cet album, Jams Vikings ou Jams Vikings, selon le cas encore, je l'ai trouvé assez intéressant. Je dois dire que la qualité d'enregistrement, qui est un critère très important pour moi, dès le départ, est au rendez-vous. C'est une bonne production. Le choix des compositions qui ont été retenues, je n'ai pas attendu ceux qui n'ont pas été retenus, évidemment, là, mais je dis n'importe quoi, moi. Le choix des pièces sont relativement accrocheuses, je dois dire, et puis non, ça donne le goût de les réécouter. Mais j'ai retenu une pièce. Pourquoi une pièce si je l'ai appréciée plus que ça, autant que ça? Ben, je dis autant que ça. Je l'ai appréciée, disons. C'est que Alain, à Rock Classic, va en parler un peu plus, je présume. Oh, je présume, je suis pas mal certain qu'il va en parler un peu plus cette semaine, ce vendredi Rock Classic, parce que il me semble qu'il m'a dit qu'il l'avait bien apprécié. Donc, je présente une pièce qui porte le nom de At Dawn's First Light. C'est tiré de Jams Vikings ou Jams Vikings, peu importe, faisant ce que vous voulez, j'en ai absolument rien à cirer. Ben, vous êtes à l'animation. First love. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 8 avril 21h30, votre café-bar Le Zénob présente la formation montréalaise Street Meat. Pour une soirée à la fois bluegrass, punk, folk et rockabilly, soyez au Zénob ce vendredi 8 avril 21h30 pour Street Meat. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. 19h47, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU, 89.1 FM, et ce, jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation suédoise Hemal Amarth et une pièce tirée de leur dernier album, Jarmsviking, ça fait 50 fois que je l'ai dit, mais j'en ai aucune idée de comment le prononcer, qui est le 10e album studio complet de cette formation. Je parle de la pièce que nous avons écoutée, At Dawn's First Light. Généralement parlant, je trouve ça assez bien. Par contre, ce que je reproche un petit peu à Mon Amart et à ce genre musical-là, c'est que c'est un peu trop mélodique à mon goût dans le métal. Bon, j'entends déjà certains disent « Ah, moi, le métal, que ce soit un peu plus méchant que ça. J'ai rien contre la mélodie, mais je l'aime beaucoup plus dans le rock. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas le style qui m'attire principalement le premier, et c'est effectivement le cas. Par contre, je dois dire qu'à Mon Amart, ils ont des choses que je trouve très intéressantes. Et cet album, je dois dire qu'il fait partie des choses intéressantes. Mais si vous voulez le découvrir encore plus et avoir d'autres extraits, je suppose, je vous invite à être des nôtres ce vendredi dès 11h à Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, mais aussi de métal, bien entendu, de choses étranges. Et d'ailleurs, voici un extrait de ce que vous pourrez entendre à Rock Classique cette semaine. Mille pardons, je recommence. Cher oncle Bill. Voilà. Avec Brian Keith. Et Sébastien Cabot. C'était excellent, n'est-ce pas? C'était excellent, excellent. Cher oncle Bill, pour les moins jeunes d'entre vous, je dirais pas les plus vieux, c'est quelque chose que vous devriez oublier. Non, vous entendrez jamais ça à Rock Classique. Ou peut-être. Sait-on jamais. Non, cette semaine, nous allons... Ben oui, les musiques de fond, toi chose. Nous allons vous proposer, entre autres, deux nouveautés qui sont, bien entendu, Hemal Amarth, entre autres, et moi, je vous propose une nouveauté, des extraits du nouvel album de Cheap Trick. Il y aura aussi les chroniques Ça passe ou ça casse, les éphémérides, les nouvelles du rock, la chronique de la faune, c'est-à-dire la faune chez les amateurs de rock. J'en passe et des meilleurs. Bref, je n'ai pas exactement tout ce qui est prévu à l'émission officiellement parce que ce n'est pas encore sorti, mais ça va être une émission qui devrait être assez intéressante, ou du moins différente, ou peut-être même voire étrange, bizarre, anormale, je ne sais pas. Mais c'est pour les vrais amateurs de vrai rock, et c'est le vendredi dès 11h. Ceci étant dit, j'en dis bien des choses, moi. Je vous propose, cette fois-ci, d'aller faire un petit tour du côté du thrash metal de la mi-80, précisément de 1986, avec 4 titres tirés de 4 albums différents, bien entendu. Quelle bonne blague! Qui ne sont pas nécessairement des hits proprement dit, parce que s'il y en a des hits dans le vrai métal, j'espère que non. Mais ce sont des pièces quand même assez emblématiques, du moins pour 3 de ces formations. J'ai dit pour 3 parce que le groupe d'entrée de ce bloc, qui est formation américaine, sont tous des formations, je dis pas tous, mais une bonne partie des formations sont américaines, les 3/4 même. La formation Possessed, avec qui nous allons ouvrir ce bloc de 1986, là. Je n'ai pas retenu de pièces tirées de Seven Churches, qui est bien entendu l'album emblématique de cette courte discographie de cette formation, qui était une des formations précurseurs dans le trash à tendance death metal. Pourquoi je n'ai pas retenu une pièce? Parce que j'avais depuis trop longtemps, j'ai mis de côté l'exploration de leur deuxième album Beyond the Gates, qui est apparu en 86, bien entendu. Et je me suis dit, tiens, je vais aller me retaper quelques pièces là-dedans. Puis j'ai trouvé que finalement, il y avait quelques trucs intéressants. Pas nécessairement à la hauteur du premier, bien entendu, et surtout pas à la hauteur de la qualité d'enregistrement du premier. Ça, c'est convenu de tous. Mais il reste que la pièce Tribulation, c'est une pièce qui est assez intéressante. On va entendre aussi Dark Angel avec une pièce tirée de Darkness Descends, qui était le deuxième également. Une pièce de Creator tirée de Pleasure to Kill, qui est également le deuxième, et une pièce de Slayer tirée de Rain in Blood. Donc, je vous invite à aller vous délecter de ces petits classiques de du trash frisant par moment le death metal, du moins débutant, qui commence à être influencé par ce style, pour ne pas dire l'avoir instigé par moment. Et puis, ben, on va se retrouver peut-être après si c'est le cœur m'en dit. Le cœur, j'en ai même plus. Go! Yeah. fate, I'll get no amnesty. I can't control my destiny, there is no opportunity. Proclaim my death with my wrath, it takes more than a stride. If down to ineffective course, I will never die. You think by killing me tonight, my powers will not rise. There'll be nowhere for you to run when a hatred comes to light. Condemn to feel the prophecy, a lie, no first born. Defy them over decorations, and leave you ripped and torn. We'll be praised as the burden of a snake. If he's forgiven endlessly, but the vow is all fake. Forever serving up my lord, my trust in our submission. Maybe now I made you wonder, am I superstitious? If you think it's welcome by, I will live again. My deeds will mean eternally, I sign the book of red. My rage will be unleashed again, and burning that makes more. Death means nothing less than what I won't be reborn. La pièce Reborn, qui est tirée de Rain in Blood, leur troisième album paru en 1986 sur Def Jam Recordings. Juste avant, nous avions la formation allemande Creator et la pièce Ripping Corpse, qui est tirée de Pleasure to Kill, qui était leur deuxième album paru sur Noise. Ce sont tous des pièces tirées de l'année 86. Nous avions une formation américaine du nom de Dark Angel et la pièce de Burning of Sodom. Dark Angel qui se sont reformés il y a un certain, je dirais quelques, peut-être près de deux ans. La formation, je pense, quasi totale de cet album Darkness Descends. Pas de nouveaux enregistrements jusqu'à présent, mais des prestations ça et là en spectacle. La pièce Burning of Sodom est une des pièces les plus, folles de cet album, Darkness Descends, qui est paru sur Combat. Et nous avons ouvert avec Possess, une autre formation américaine. Une pièce tirée de Beyond the Gates, leur deuxième album paru en 86, bien entendu, sur Combat également, soit Tribulation. album qui a connu peu de succès parce que, au départ, la barre était haute après avoir sorti un premier album du nom de Seven Churches. Possess avait une barre, une marche assez haute à monter pour être capable d'arriver à la qualité du précédent, du premier. Et Beyond the Gates, je pense qu'on avait eu une certaine panne d'inspiration au niveau des compositions, mais ce qui a vraiment pas aidé l'album, c'est la qualité d'enregistrement, qui, ma foi, comparativement à Seven Churches, était relativement pitoyable. Par contre, la présentation de l'album était intéressante en version vinyle parce qu'il s'agissait d'un gatefold, mais qui s'ouvrait un peu sur le devant, un peu de la même façon que l'album Brain Surgery, Brain Salad Surgery d'Emerson, Lake and Palmer l'a fait en version originale. Donc, c'était une espèce de die cut là, qui faisait qu'on avait une ouverture différente sur l'album. C'était intéressant. Mais le contenu, par contre, il laisse un peu à désirer. Il serait peut-être beaucoup plus appréciable si la qualité d'enregistrement avait été au rendez-vous. Il est présentement 20h10. Je vous amène du côté d'une chronique de... Ben oui, musical, pourquoi pas, hein? Faut bien que je m'en débarrasse. qui va être relativement courte, soit dit en passant. Je vous parle d'une formation que j'ai découverte, une formation de death trash metal, formation britannique du nom de Horrified. Et l'album porte le nom de Half Despair. C'est un death metal qui adopte quelques petites tendances progressives, mais que finalement, c'est assez déjà vu. Vocal est quand même relativement correct. La production l'est aussi, mais c'est rien qui se démarque du lot de ce ce genre de métal qui est quand même, je dois dire, assez répandu, hein, on se le cachera pas. Justement, ça fait un parallèle avec la formation passée, ce qu'on vient d'entendre, principalement de Seven Churches. Si vous connaissez cet album, Seven Churches, de Possess, bien entendu, vous allez pouvoir y voir certaines similitudes avec cet album de Horrified, soit Of Despair. J'ai l'impression qu'ils ont été fortement influencés par Possess. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est encore pire. Parce que, personnellement, je trouve que c'est très déjà entendu depuis 1985. Et si on a voulu refaire une émulation de la musique de la mi-80, du métal de la mi-80, ben je pense qu'on aurait dû simplement s'abstenir. C'est écoutable, oui, mais personnellement, si on me demande est-ce que j'aime Horrified, ben je vais dire pas vraiment parce que j'aime déjà Possess. Voilà. La semaine prochaine, je vous propose un petit spécial polonais. Non pas au niveau de dégustation, mais bien d'écoute. Il s'agit de Decapitated, cette formation initialement technical, brutal, death metal. Aujourd'hui, qui est peut-être plus dans le death groove metal. Formation que j'aime énormément, qui ont 6 albums à leurs actifs. Je vous présenterai une pièce issue de chacun des albums, donc spécial Decapitated. Et aussi, la présentation d'un album qui est de la formation portugaise Sinistro. À ne pas confondre avec Sinistros, mon ancien acolyte et clown de service. Et que c'est donc pas gentil, assistant. N'est pas Sinistros, mais bien Sinistro. Et l'album porte le nom de Semente. C'est un... ouais, c'est un mélange de sludge et de doom metal. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine pour la présentation, mais je dois dire que malgré le fait que ça m'a quand même relativement surpris initialement, j'ai bien aimé. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, chronique musicale se clôt ainsi. Pas plus long que ça. Côté cinéma. Bien, côté cinéma, les films qui seront peut-être à surveiller dans les prochaines semaines... si vous aviez aimé, ben en fait, c'était Snow White and the Huntsman qui mettait en vedette, entre autres, Chris Hemsworth, oui, Thor. Mais il y a une deuxième partie qui porte le nom de Huntsman Winter's War. C'était quand même, le premier était divertissant, je dois dire, ça fait heroic fantasy un peu, là, avec, bon, c'est Blanche-Neige, oui, mais pas la Blanche-Neige qu'on connaît de Walt Disney, là. C'était divertissant le premier, donc le 22 avril de Huntsman Winter's War sera au grand écran. Le 5 mai, ben, c'est Captain America Civil War et c'est la grosse chicane avec Tony Stark, Iron Man. Je suis bien curieux de voir ça. Et, tant qu'à rester dans les super-héros, le 27 mai, c'est X-Men Apocalypse. J'espère, personnellement, j'ai pas tellement aimé le dernier qu'ils ont fait, j'espère que... Je souhaite que cette franchise ne soit pas usée. Mais bon, c'est à voir. C'est un goût bien personnel présentement. Ben en fait, le 8 avril, en salle, un film de Eliana Neschaler, voilà, qui met en vedette entre autres Tim Roth, que j'aime bien. C'est un film d'action qui mélange la science-fiction qui s'appelle Hardcore Henry et qui raconte quelqu'un qui se réveille et qui n'a plus qu'on souvenir d'absolument rien, qui a été ramené à la vie, qui ne prend plus du tout c'est qui il est, quel est son nom, ainsi de suite, mais qui devient la cible d'une espèce d'armée de mercenaires. Et ça, selon les previews que j'ai vues, ça a l'air à brasser pas mal. Donc, Hardcore Henry devrait être, ben, c'est probablement restreint, mais sur grand écran à partir de ce vendredi. Autre truc que j'ai écouté, un film qui met en vedette Keanu Reeves et Mira Sorvino, porte le nom de Exposed. Ça aurait pu être intéressant si ça n'avait pas été aussi lent. si ça n'avait pas été de s'attarder dans des raccoins inutiles, de se perdre en conjoncture, de divagation, de remise en question spirituelle. Oui, j'en pense, c'est des meilleurs de la part de Mira Sorvino en son personnage. J'ai trouvé finalement que malgré si l'idée de fond était quand même intéressante, que le film a été mal rendu. Et doit-on le dire? Je suis obligé d'arriver à ce constat. Keanu Reeves, qui soit dit en passant dans ce film, note d'avoir pris un sérieux coup de vieux. C'est pas un acteur extraordinaire. Il a fait quelques films intéressants, quelques films parfois très intéressants, mais généralement parlant, il joue dans des catégories de films qui sont un peu... qui laissent un peu à désirer. Donc, Expose, j'ai plus ou moins aimé. En fait, j'ai trouvé que c'était une perte de temps. Un film que j'ai beaucoup apprécié, par contre, et que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est-à-dire la semaine dernière, qui est un film de 2013 qui porte le titre de 42 et qui est un biopic et qui raconte l'histoire de Jackie Robinson, ce célèbre joueur de baseball de la Ligue majeure, le premier joueur afro-américain à avoir joint les Ligues majeures de baseball dans les années 40. C'est vraiment un très bon film. Ça met en vedette Chadwick Boseman dans le rôle de Jackie Robinson, Harrison Ford, qui joue le rôle du propriétaire des Dodgers à l'époque de New York, oui, mais du Bronx, c'est tout ça, je devrais vérifier, mais c'est de New York. C'est vraiment très bon, c'est très bien fait, c'est intéressant. Si vous êtes amateur de baseball comme je le suis, vous allez passer 2 heures délectables à écouter ce film 42. Et dans la dernière partie de cette chronique cinéma, eh bien, je ne suis pas rendu tout à fait à la moitié, presque, de cette deuxième saison de Daredevil, qui est une saison de super-héros, bien entendu, de Marvel, qui met en vedette Charlie Cox. Jusqu'à présent, je m'ennuie de la première saison. Et c'est tout ce que je veux en dire, parce que j'aurai terminé pour la semaine prochaine, pour la prochaine chronique cinéma. Je pourrais vous dire mon appréciation dans l'intégralité de cette deuxième saison. Mais jusqu'à présent, je m'ennuie de la première saison. Ceci étant dit, nous allons retourner musicalement, cette fois-ci, avec ce bloc qui s'adresse au groupe qui donne dans un stoner doom, des fois doom très dark. Je parle principalement de Triptychon qu'on va entendre, de Black Sabbath, une pièce tirée de leur dernière parution originale studio The Hand. Et tout de suite, allons-y avec la formation britannique Cathedral, une pièce tirée du 7e album de Seventh Coming, soit Skull Flower. Vous êtes à l'écoute de Réanimation jusqu'à 21h sur les ondes de Sifu 89.1 FM, cause I said so. Go!

Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matin à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis, 10h à C'est fou 89.1 FM. À votre gauche, une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes à C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. h 46, et l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre un très long bloc de 25 minutes et plus, et 30 quelques secondes, consacré au Stoner et principalement au Doom, bien entendu, avec à l'instant la formation suisse Triptychon, qui est née des cendres de Celtic Frost, et la pièce Black Snow, tirée du... Ouais, c'est le premier album paru en 2010, soit Eparistera Daemones, sous étiquette Century Media. Je trouve ça très bon. Nous avions juste avant une pièce tirée du dernier, des dernières parutions enregistrement studio original de Black Sabbath, soit le mini EP The End, paru un peu plus tôt cette année, en 2016, bien entendu, de façon indépendante. Nous avons entendu la pièce d'ouverture Season of the Dead. C'est vraiment excellent. Et nous avons ouvert avec la formation britannique Cathedral, formation défunte, malheureusement, pour les amateurs dont je suis. Une pièce tirée du septième album The Seventh Coming, paru en 2002 sur Dreamcatcher, soit Skull Flower. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai un spécial Decapitated, ainsi que une petite introduction à l'album de la formation portugaise Sinistro. Ne pas confondre avec Sinistros. L'album Cementé. Aussi, parlant de Sinistros, je vous invite à aller voir son blog hurlemort.com pour voir ses chroniques et voir combien il n'a pas de goût. Aussi, si vous êtes amateur de métal, ben, si c'est probablement le cas, si vous m'écoutez présentement, ben, vous pouvez aussi aller écouter mon émission. L'émission de mon ami DJ Tower of Death, soit Subversion, tous les vendredis dès 18h30 sur Underground Québec. Vous pouvez retrouver le tout aussi en podcast, si vous préférez en balado diffusion sur SoundCloud. Et, bien entendu, si vous êtes aussi amateur de rock, je vous invite à être des nôtres, soit ce vendredi dès 11h en compagnie de mon ami Rockmaster, Alain Lefebvre et de moi-même, votre bon serviteur Dr. Pendragon, pour une autre édition de Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, et ce jusqu'à 17h. On va se laisser avec non pas ce que je croyais en totalité, parce qu'une fois de plus, on va manquer de temps, mais quelques pièces qui ont été, je dirais, aussi emblématiques que ce qu'on vient d'entendre un peu plus tôt avec le trash et le death. Le trash influence death, mais cette fois-ci, typiquement du début des années 90 de death metal, les formations américaines, on va entendre Death et la pièce Lack of Comprehension, qui est tirée de Human, leur quatrième album paru en 91. Morbid Angel et la pièce Angel of Disease, tirée du très bon Covenant, qui était aussi leur quatrième de 93. Et peut-être qu'on va avoir le temps de se taper une partie, ou peut-être la totalité, sait-on jamais, de Obituary et la pièce de Don't Care, tirée de l'album Back from the Dead, qui est paru, lui, en 1994. Et d'ici la semaine prochaine, là, ben allez donc vous faire foutre. Tout aussi, Horace. Donc, on cesse avec ces trois pièces et see you. Days. Thank you.